Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. Picard, mais qu'est-ce que t'as, mon vieux ? Il a miaulé comme ça une partie de la nuit. Et plus inquiétante encore, il a refusé son déjeuner. Si je n'étais pas si fauché, j'aurais déjà téléphoné au vétérinaire. Ouais, mon jeune, ça va faire le criage, là. Je comprends que tu veux changer de job, mais t'es vraiment pas doué pour chanter. T'es-tu ventriloque, mon jeune? Mais non, pépère, c'est Picard. Je ne sais pas ce qu'il a. Il se lamente comme ça depuis 3 heures du matin. Ah, je le savais, Boswell de Boswell. Cette nuit, ma mère réveillée. Puis quand ma mère a dort pas assez, ça rend de mauvaise humeur. Puis quand elle est de mauvaise humeur, elle me fait des misères. Pis quand elle me fait des misères, ça m'a bougonneux. Pis quand je suis bougonneux, ma mère, elle me fait pas de câlins. Pis moi, des câlins, j'aime ça le matin en me réveillant. Ça fait que t'es tout aussi bien d'arrêter tout ça tout de suite. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi, pépère, c'est Picard. Veux pas le savoir! Oubliez de demander du yep de gruau à ma mère. La chanson gruau, ma mère, est pas tenable. Tout de suite, papa. Une bonne engueulade avec les voisins, rien de tel pour bien commencer la journée. Martivin, mon jeune. Puis dis à Picard de se la farmer, Boswell de Boswell! Si je ne veux pas me mettre tout l'immeuble à dos, il vaut mieux que j'appelle le vétérinaire, fauché ou pas. Oui, allô? Allô? Allô? Ce n'est pas le téléphone, mon très cher monsieur, mais la porte. Remords de remords. Ça paraît que je n'ai pas beaucoup dormi. Mon très cher monsieur, je constate avec regret que vous vous êtes remis au champ. Désolé de vous contredire, témoin. Cette fois, je n'y suis pour rien. Sans blague. Puisque je vous le dis. Mais pourtant... Dieu tout-puissant, mais vous dites vrai. Alors, d'où provient ce son discordant? De Picard, malheureusement. D'ailleurs, ça m'inquiète. Je ne sais pas du tout ce qu'il a. À l'entendre, il est souffrant. Vous croyez? Tout à fait. D'ailleurs, ça me rappelle la réaction de mon petit-neveu quand il s'est coincé l'hommerie dans la fermeture éclair de son pantalon. Je ne sais plus quoi faire, moi. Vous avez essayé la prière? J'aurais préféré le vétérinaire. La prière bien dite est toujours efficace. Vous en avez eu la preuve, je crois, quand votre chat s'est égaré. Car, de toute évidence, vous l'avez retrouvé. Je ne suis pas certain que la prière y ait été pour quelque chose, finalement. Après tout, c'est Papère qui me l'a ramené. Et qui a dit à Papère de vous le rapporter, croyez-vous? Le gros bon sens. Mais non, mon cher monsieur! Mais non, mais non, mais non! C'est le bon Dieu, touché par votre prière sincère. Si vous le dites. Je le dis. Je le dis! Vous vous souvenez comment faire? Joindrez les mains et fermez les yeux. Très bien. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Allez, j'y vais. Ô Dieu Tout-Puissant, par un effet de votre bonté divine, mettez fin aux souffrances du chat de monsieur. Eh hey, oh, attention, là. Ça pourrait être mal interprété, cette dernière phrase. Comment? Quand on dit qu'on met fin aux souffrances d'un animal, habituellement, ça veut dire qu'on l'achève. Vous croyez? J'en suis sûr. Finalement, tout compte fait, on va oublier la prière pour aujourd'hui. Je ne vous retiens pas. Mon chat me semble plus mal. Allez, au revoir. Un peu de musique, ça calmera peut-être Picard. Et si je monte le volume, ça évitera peut-être que tous les locataires de l'immeuble viennent me lyncher. J'arrive, Picard, j'arrive! Thank you. Christian Martin, interprété par le Newport Orchestra. Et maintenant, une page de pub. La compagnie Hatchoum, toujours révolutionnaire, vous propose le plumon Renifle. Grâce à son procédé simple, efficace et complètement inoffensif pour l'environnement, fini la poussière. Un petit coup de renifle et la poussière disparaît de la surface de vos meubles, de vos appareils électroniques et électroménagers. En effet, renifle retourne illico la poussière d'où elle provient, c'est-à-dire dans l'air ambiant. Un simple coup de balai et un porte-poussière, en sus, vous permettront de vous défaire facilement et sans effort de l'excédent. Renifle, le plumon qu'il vous faut. Oh, monsieur Courtemèche, je suis ravie d'entendre que vous vous êtes remis à l'opéra. Un tel talent, on ne doit pas le gaspiller. Désolé de vous décevoir, madame Coudon. C'est Picard qui se lamente. Ah, oui, en effet. Pourtant, je croyais... D'ailleurs, vous n'auriez pas une petite idée de ce qui peut l'affliger ? Oh, pas la moindre, monsieur Courtemèche. Vous m'en voyez désolé. Tant pis. Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, madame Coudon ? Une cause des plus importantes, monsieur Courtemèche. Des plus importantes. J'organise une immense levée de fonds pour le salut culturel de nos dirigeants politiques, qui, depuis un certain nombre d'années, ne semblent n'avoir Dieu que pour les poches de pétrole et des grands financiers. Oui, monsieur Courtemèche, je me suis engagé à organiser une grande marche mondiale vers un bain de culture, pendant lequel nous exposerons l'âme de nos politiciens aux beautés de l'art avec un grand A. À la grâce de la danse classique, à la puissance de la voix opératique, à la rime de l'épopée magique, à l'habileté du peintre, du sculpteur et du potier ascétique. Comme disait le sage, un livre par jour chasse la vacuité pour toujours. Et Dieu sait combien la classe politique en a besoin. De livres, j'entends, pas de vacuité, bien sûr. Bien sûr. Vous contribuerez bien un petit quelque chose, monsieur Courtemèche. Ce serait avec plaisir, madame Coudon. C'est la cause la plus valable que vous m'ayez présentée à ce jour. Et si je n'étais pas complètement fauché... Oh, oui, je comprends. Le lot des artistes, n'est-ce pas? Certes. Mais si je puis vous aider en toute autre façon, faites-moi signe, d'accord? Vrai, monsieur Courtemèche? Vous vous impliqueriez personnellement? Pour cette cause? Sans hésiter. Ah, oh, formidable! Je passe vous prendre vers 18h et nous en discuterons devant un bon gueuleton. Au revoir, monsieur Courtemèche. Diante! Qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Moi, m'enrôler volontairement dans une des campagnes de madame Coudon. Fou! Il n'y a pas que Picard qui soit malade. Remords de remords. Salut, mon polo! À ce que j'entends, tu t'es remis au champ. Ça n'est pas moi, c'est Picard, nom de Zeus. Ah bon? T'es sûr? Puisque je te dis... Le moins que l'on puisse dire, c'est que vos voix se ressemblent. Vraiment étonnant. Oui, bon, hey, ça va faire les comparaisons. Tu ne saurais pas ce qu'il peut y avoir par hasard, Picard? Qui, moi? Pas du tout. Dommage. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Hein? Ah oui, j'ai décoté la plus merveilleuse petite invention qui soit. Où ça? Dans une boîte de Cracker Jacks? Drôle. Très drôle. Non, c'est le parrain du conjoint de copain de mon cousin. Tu sais, l'inventeur, qui a imaginé ce bidule? Regarde-moi un peu cette petite merveille. Ouais, intéressant. Et qu'est-ce que c'est? Mais tu ne devines pas? Ben, c'est rond, c'est rouge. À première vue, je dirais, c'est un écu. Mais pas du tout. Enfin, oui, mais pas du tout. Explique. Sous cette apparente apparence anodine de nez de clown se cache un cure-nez des plus perfectionnés. Fini les manipulations dégueulasses de l'hygiène nasale. Quand le Kleenex ne suffit plus, beau gros le nose, folle à la rescousse. Le bidule comprend un choix de 5 mini-spatules de formes et de formats différents pour les engorgements plus ou moins importants, ainsi qu'un micro-aspirateur pour le rhume chronique. Ce micro-aspirateur peut se métamorphoser à volonté en soufflerie puissante pour assécher le tout, une fois la besogne accomplie. C'est pas génial, ça? Tu veux l'essayer? Non, sans façon. Comme tu voudras. Je me pose quand même une question. Laquelle? Il n'avait pas pu choisir quelque chose de plus voyant, le parrain du conjoint et du copain de ton cousin? Je ne sais pas, moi, la cloche de l'église Notre-Dame, par exemple? Ou le costume de paillasson? Je vois. Tu doutes de la discrétion de l'opération hygiénique? Ben, un peu, oui. Un nez de clown. Oh, il y a pensé. Mais dégoûté par l'alternative, il s'est dit que beau gros le nose ferait au moins rigoler. Ouais. Mais tu ferais mieux de faire examiner ton chat. Ces miaulements d'agonisant deviennent lassants. Allez, je file. J'ai encore des investisseurs à voir, moi. Et ça, salut. J'avais ma radio et j'appelle Mac. Lui, il saura peut-être ce qu'il a, mon pauvre Picard. Why you said goodbye to me? I want you back again. Our love will never end, you see. And that's what you said a Saturday night in bed. Take my hand, you said, forever and ever, my love, forever and ever, my love, forever and ever, my love, forever. I try so much, you know, to believe in you and me. I need a love again. I need my best friend, you see. But through the night, I couldn't help it, I cried. Watching my dreams go by. Forever and ever, my love. Forever and ever, my love. Forever and ever, my love. Forever and ever. Wanting to wake you, I swallow tears inside. Happy the rage of two, pressing on my hips to hide. And then again, I remember how first time. And for a while I smile. Forever and ever, my love. Forever and ever, my love. Forever and ever, my love. Forever and ever, my love. Forever and ever, my lover and ever, my forever and ever, my lover and ever, my forever and ever, my lover and ever, my lover and ever, my forever and ever, forever and ever, my forever and ever, my lover. C'était Forever My Love de Pierre Jada Lacroix et Christian Martin, interprété par Kael. Hey, salut mon vieil! Tu m'as appelé? Qu'est-ce que mon c'est que c'est? Mon c'est grave en bas, Joël! Ma mère menace de me divorcer si tu fais rien pour Picard! Qu'est-ce que c'est qu'il y a, Picard? Ça! Oh my God! C'était Picard, cette bruit? Oui. Je suis la mort de même depuis 3 heures du matin, Boswell de Boswell. C'est plus endurable. As-tu une idée de ce qu'il peut avoir, mec? Sure. Tu le sais? Sure. Elle est amoureuse. Quoi? Hein? Sure. Qu'est-ce que je peux faire? Et tu y trouves une petite blonde, mon jeune. Pis ça presse. Voulez-vous que je lui trouve une blonde, papa? Je sais pas, moi. Il devient pas aussi petite annonce dans ton journal. Ouais, j'imagine ça d'ici, oui. Recherche chat à chaleur pour Mathieu Amoureux. T'as pas besoin de chercher une chatte en chaleur, mon vieil. Et female de même, c'est parce qu'il y a déjà une chatte en chaleur around. T'as juste à le laisser sortir. Mais Picard est un chat d'appartement. Je ne l'ai jamais laissé sortir. Il n'y a pas d'autre solution? Sure. Laquelle? Chop, chop! Tu veux dire? Well, yeah. Oh, Boswell! Oh, pauvre Picard, c'est dur d'être en amour. Les éditions de l'avenir vous ont présenté le PC Show avec Paul Courtemèche. Vos interprètes, Carole Bassani dans le rôle de Madame Coudon, Gabriel Jean dans les rôles de Mac, de Pépère et de l'Annonceur, et Christian Martin dans les rôles de Paul Courtemèche et du Témoin. Le texte et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Derivatives et est une production 2012 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. Mais laissez-le sortir à la fin.